jaayo sama gaay Dakar Scos 45. Waaw, lay bon lippoon amoon na fi affaire dama noonu quoi. Bon, en fait benn président la woon quoi, mu bëgg nguur, bëgg nguur, bëgg nguur, ba bëgg nguur ba mel ne Ablaye Wade quoi. Léegi gen mu dem ba alaxir nag dajante ak yàlla quoi, yàlla war ko jugé quoi. Yàlla ni ko fi moom man kese maa fi président, may décidé lépp affaire dama noonu yooyu quoi. Mu ne ko waa, alors c'est quand les prochaines élections?